faudrait que j'enfante. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une charpente. Vouloir aller trop vite, vouloir tout, tout de suite. À vouloir être la première, j'ai fini par être la dernière. Et dans cette course folle, on risque fort de finir seul. Voici Guy Marin. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Seul. Chanter tout seul. Seul avec ma guitare, à broyer du noir animal solitaire avec ma colère. Seul. Devant le danger, les autres sont partis. Aucun bruit, sans abri, sans personne isolée. Seul, parler tout seul, m'adressant à la foule, bruyante, elle me dérange, sans vraiment m'écouter. La solitude se vit en millions d'exemplaires. Moins on en parle et plus on se taire. Les habitudes étirent les silences, les malaises, bien emmurés de ci et de peut-être loin. Tellement trop loin. Seul avec un secret qui dérègle ma vie comme tombe un décret. Vous anéantis loin. Je n'ai plus de repères et je suis blessé, devenu comme une bête acculée, prise au piège, menacée, dangereuse. Des solitudes protègent envoûteurs et vipères, à l'enfance criminelle vulgaire. Des souvenirs lugubres, des images de sorcières sont dégoûtantes, vivantes de colère. Loin, contre l'indécence, contre le silence des victimes immolées. Toutes ces longues nuits blanches dérobées dans son lit, s'est fait briser les ailes avant de partir. Mais l'indifférence ne suffira plus. Et direction Montréal pour rencontrer Ariel Coulombe avec Long Feu. Seul. Thank you. fait de faux, pas s'enflammer maintenant. Courte échelle, destination Québec. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je vous propose d'écouter ensemble G. Béliveau avec Tatoué. 14 jours découlés et toujours hanté par cette fille. T'as renoncé à Renaud Graton a créé il y a quelques années le groupe Montréal Hornstar. Le voici en solo avec Attention. On s'était donné rendez-vous. t'as travaillé si fort pour te combler. Même quand j'essaie de suivre de mon amoureuse la joie, quelqu'un, surtout toi. Alors mes pensées s'entortillent et j'oublie où je m'en vais avec ça. Attention, où es-tu? Tu m'as abandonné. Est-ce que j'aurais peut-être été ambitieux sur le taux de THC? Elle a déjà une belle carrière derrière elle et beaucoup de succès. C'est Georgette avec Équilibre. Il y a 10 000 ans déjà, tout était en sépia, ça c'était avant toi. On a passé des années en parallèle sans se croiser. Et puis un lundi soir dans un petit bar, on s'est rencontrés. Je fais le tour du monde en voyage à Tulum, à Londres. Les zigzags sur la map me mènent à toi. Même si je quittais la Terre en fusée jusqu'à Jupiter, ce serait pour me perdre dans tes bras. Chaque, chaque, chaque à mon système. Je suis pas fan d'astrologie, j'ai jamais cru en la magie. Les contes de fées, on les comptait aux petits avant d'aller au lit. Pour moi, tout était logique, maintenant je file plutôt cosmique. Plus on s'ouvre, plus c'est beau, ensemble on plane, on va si haut. Et quand je fais le tour du monde en voyage de Tulum à Londres, les zigzags sur la map me mènent à toi. Et même si je quittais la Terre en fusée jusqu'à Jupiter, ce serait pour me perdre dans tes bras. Shake, shake, shake à mon système. Je ne serai plus la même. Tes yeux bleus m'illuminent, j'hallucine, j'hallucine. Tu es mon équilibre. Tout se romancerait, je peux enfin y croire. Du matin au soir, ah, ah, et toi quand tu pensais, tu penses à moi, ah, ah, et moi quand je dansais, je n'ai dansé qu'à pour toi. Jordan est autrice, compositrice et interprète. Elle nous dévoile un avant-goût de son album qui sortira bientôt. En tout cas, elle nous l'a promis. Elle est originaire des Escoumins. Voici Pile ou Face, Jordan. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tu viendras la gravir ce soir? J'ai l'élan du vautour qui plonge. Je vais déchirer le silence. donner mon cœur à ta science. Et tant mieux s'il en reste encore, on se changera en volcan. Pat Bellan est natif de Saint-René-de-Matane en Gaspésie. Il a baigné dans la musique très jeune puisqu'il est né dans une famille de musiciens. Il nous propose ici « On va veiller tard ». avec quelques accords. Vous écoutez La Courte Échelle. Destination Québec. Originaire de Montréal, Anémone est une autrice compositrice. L'artiste qui trouve une certaine facilité à écrire ses chansons en anglais s'est donné le défi de sortir son premier extrait radio en français. La voici. Carl Bastien a grandi en Outaouais, à Buckingham exactement, et le country western était très présent dans sa vie. On le ressent dans ses chansons, notamment dans Ton sourire. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. À un cœur qui n'a jamais pleuré. faire le plein. Je suis déjà dans mon cercueil, c'est triste d'être seul. C'est de toi dont j'ai besoin. Dominique Marier, comédienne de formation, Conservatoire d'art dramatique de Québec. La voici avec Chèque dans le bois. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Avec dans cette destination au Québec, Geneviève Grenier et Fille Ordinaire. Ben non, je suis pas spéciale. J'ai rien d'intéressant à dire, même si j'ai envie de le raconter tout le temps. Yeah. Elle chante depuis 2013. Voici Anna Valsk avec « Si tu m'oublies ». Thank you. La courte échelle, destination Québec. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Les Éléments est un duo qui se compose de deux cousins, Joey et Jonathan Éléments. Ils sont originaires de Gaspésie. Je dois partir des kilomètres. Et les voici sur l'autoroute. Je roule à travers la province. C'est vrai, je m'ennuie un peu de tes yeux. Dans toute la montée du paysage, rappelle les traits de ton visage. Avec ta photo en haut de la radio, compagnie durant ma nuit. Et si je fais ça depuis un bout, quand on me dit que j'ai ça dans le sein, quand je pense ma vie sur l'autoroute, c'est vrai que je m'ennuie de mes enfants. Après 3-4 jours que je suis parti, je dors tout seul dans mon petit lit. Des fois je m'ennuie un peu ta bête. Je suis tout seul puis qui fait fête. Même si je fais ça depuis un bout, mais quand on me dit j'ai ça dans le sein, je passe ma vie sur l'autoroute. Des années, et bientôt je serai à côté de toi. Si je fais ça depuis un bout, quand on me dit que j'ai ça dans le sein, je pense ma vie sur l'autoroute. C'est vrai que je m'ennuie de mes enfants. Je passe ma vie sur l'autoroute. C'est vrai que je m'ennuie de mes enfants. Julianne et Saint James, aux commandes de leurs carrières respectives, les deux auteurs-compositeurs-interprètes croisent dans cette chanson leurs plumes et leurs voix, le temps d'un duo avec Je ne te dirai pas. Je crois qu'on n'en finirait pas. se brise pour toi. L'Exil, le groupe originaire de Montréal, nous propose un extrait de son album Chute Libre qui va sortir bientôt avec Intouchable. Je ne te dirai pas que mon cœur se brise pour toi. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Une première chanson pour le groupe Nomade, un groupe né de liens familiaux et d'une passion réciproque pour le country folk. Voici Dans mon rêve. Thank you. Quel que soit votre style musical de prédilection, je pense que vous avez trouvé votre compte dans cette émission. Je dois aller frapper à ta porte. Sinon, il faut que le diable m'emporte. J'ai peur de ne pouvoir vivre sans toi. Pourquoi serait-ce différent pour toi? On se retrouve très bientôt dans une nouvelle courte échelle Destination Québec. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde et soyez heureux. Si près, oui, c'est mon rêve, que plus rien ne s'achève, jamais ne s'achève. La courte échelle, destination Québec. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants.